bienvenue à votre podcast hebdomadaire du Lobster, enregistré dans les studios de Notre-Dame de l'Île-Perrot, des studios qui, ma foi, ressemblent grandement à une cuisine. Voici votre dose de divertissement où le plaisir et la bonne humeur sera toujours au rendez-vous. Accueillez-le avec amour, votre animateur, Freddy Boy! Bonjour, bonjour, bienvenue au Lobster 51.0. Un lobster d'automne où les belles couleurs sont au rendez-vous. La semaine passée, moi j'étais en congé et comme je vous l'avais annoncé dans le précédent Lobster, j'en ai profité pour descendre au chalet. Donc, on commence en musique et au retour, on parle de tout ça et de bien d'autres choses. Bon Lobster! Reincarnation, heaven is your destination. La semaine passée, j'avais pris un 5 jours de vacances, incluant le week-end. Mon plan était de partir le samedi matin pour le Saguenay. Mais durant la nuit du vendredi, je me suis réveillé vers 3h30 du matin et je m'endormais plus. Mes valises n'étaient pas encore faites et je me disais « il est trop tôt pour partir ». Donc, mon plan au départ était de me préparer au matin. Mais comme je m'endormais plus, je me suis levé et je suis allé jouer un peu à Ultima Online et j'ai pas vu le temps passer. Et vers 5h du matin, je me suis dit « bon, fais donc tes valises et pars ». C'est ce que j'ai fait. En partant tôt, je pourrais prendre la 40 et traverser Montréal avant qu'il y ait du trafic. Et effectivement, une fois tout mon stock dans l'auto et en route, j'ai traversé Montréal rapidement. Ça roulait bien, mais plus tard, je me suis mis à cogner des clous. J'étais fatigué. C'était la première fois que ça m'arrivait. Être trop fatigué pour conduire. J'avais beau mettre de la musique, ouvrir la fenêtre, mes yeux voulaient juste dormir. Donc, j'ai décidé de prendre une pause. Je me suis parqué dans le stationnement d'un Subway que j'ai vu sur le bord de la 40 et je me suis dit, je vais juste reposer mes yeux un petit peu en les fermant. Et paf, je me suis endormi. Quand je me suis réveillé, il y avait des autos de parquet autour de moi. J'ai dormi, je pense, 45 minutes, une heure. Ça m'a fait du bien. Après ça, j'étais en pleine forme pour attaquer la route. Évidemment, rendu dans le parc, j'ai eu droit aux petites surprises habituelles. En descendant, j'ai vu de la neige sur le bord de la route. Et en remontant le mercredi suivant, j'ai eu droit à du brouillard entre Chicoutimi et Leda. Mais bon, c'est ça le parc. En passant, quand je dis en descendant ou en remontant, c'est simple, c'est le sens du fleuve. Pour nous, ça fait pas grande différence, mais à l'époque de nos ancêtres, descendre à quelque part était pas mal plus joyeux que remonter. Quand tu te déplaçais en canot et que tu ramais, c'était évidemment pas mal moins fatigant de descendre à quelque part. Montréal-Québec devait se faire plus facilement que remonter le courant au retour. Bref, c'est de là que vient remonter ou descendre à quelque part. C'est le sens du cours d'eau. Sinon, en arrivant au chalet le samedi matin, je suis évidemment arrivé très tôt. C'était la journée où mon frère et ma mère s'occupaient des raisins. La veille, ils les avaient cueillis et là, faisaient de quoi avec. Avec un extracteur à jus que j'avais acheté, ils ont fait du jus avec plein de raisins. Ils ont embouteillé tout ça et stérilisé et c'est délicieux. Le jus de raisin, il goûte comme un vin vieilli, mais sans alcool. Il y a un goût un peu boisé qui est vraiment spécial. Moi, j'ai mangé des huîtres cette semaine que j'ai accompagnées de ce jus. Ça allait bien ensemble. Ensuite, ma mère a aussi fait des gelées et des confitures de raisin. Donc, cette année, le raisin va avoir servi à faire plein de choses. C'est la première année où la vigne donne de quoi d'intéressant. Et malheureusement, c'est pas la meilleure année. L'autre vignoble, proche du nôtre à Lens-Saint-Jean, n'a pas eu une bonne année non plus de raisin. La température n'a pas été une des plus chaudes et l'ensoleillement semble avoir fait défaut pour permettre aux raisins de bien se développer. Mais bon, pour nous, c'est un début quand même. Côté vin, ma mère a commencé aussi à en faire avec une grosse cruche en vitre, plus gros que les bouteilles qu'on met dans les machines à eau. Je ne sais pas c'est combien de litres, mais les raisins sont en train de macérer. Elle a suivi ce qu'ils disent de faire dans des livres. Il y a comme un tuyau qui part de la bouteille de vitre et qui va dans un pot rempli d'eau. Tout ça, c'est pour pas que l'air rentre dans la bouteille de verre et ne vienne briser le vin. Et ce tuyau, il lui permet au gaz de fermentation de s'échapper. Elle me dit qu'il y a toujours des bulles qui sortent régulièrement dans le pot d'eau. Comme quoi, le vin est en train de fermenter. Donc, il va y avoir de l'alcool là-dedans bientôt. J'ai hâte de voir si elle va réussir. C'est à suivre. On prend une petite pause et au retour, je vous parle d'une étape importante de mon voyage. Boys, prepare yourselves. We're about to enter French Canada. French Canada? There's no Canada like French Canada. It's the best Canada in the land. The other Canada is hardly Canada. If you lived here for a day, you'd understand. Ha ha ha! Welcome to French Canada! We have everything your heart could desire. Trapezes, trampolines, and lots and lots of cheese. Would you like a moustache? Just stay calm, boys. French Canadians are a little odd. There's no Canada like French Canada. It's the best Canada in the land. The other Canada is hardly Canada. If you lived here for a day, you'd understand. There's no Canada like French Canada. It's the best Canada in the land. The other Canada is hardly Canada. If you lived here for a day, you'd understand. There's no Canada like French Canada. It's the best Canada in the land. The other Canada is hardly Canada. If you lived here for a day, you'd understand. On vient d'écouter en premier le groupe Skywing, un groupe metal japonais d'Osaka, avec leur chanson Gloria. Ce fut suivi d'une belle découverte, le groupe Mitra, qui est un groupe hongrois qui nous a livré la chanson Monolith, qui fait un peu électro dans son genre. Moi, j'aime bien sortir de temps en temps des registres des groupes que j'écoute habituellement. Des fois, j'ai des mauvaises surprises, mais cette chanson de Mitra, j'ai bien aimé. Mais attention, j'en ai écouté d'autres du groupe et ouf, quand ça vire un peu trop death metal, j'aime moins. Dans le même registre, Télé-Québec a annoncé la mise en production d'une troisième saison de Passe-Partout et Mitra devrait venir chanter deux ou trois chansons aux enfants pour les divertir. Non, sans blague, il semble que trois enfants sur cinq d'âge préscolaire écoutent Passe-Partout. C'est leur émission préférée. Donc, ça explique facilement pourquoi Télé-Québec y va avec la production d'une troisième saison de Passe-Partout. La deuxième saison, elle, a commencé le 7 octobre et compte 40 émissions. T'amuses avec tes excréments. Tu fais des dessins sur le mur avec ton caca. Tu le goûtes sans façon. Tu fais pipi sur papa et maman. C'est tout à fait normal, car tu traverses ta phase anale. C'est normal, c'est ta phase anale. Tu t'amuses avec ton caca. Si papa te fait la morale, dis-lui qu'il est passé par là. Retour au chalet, où on s'est fait un feu, et ça a failli devenir une mauvaise idée. Pendant que j'étais au chalet, j'ai fendu du bois pendant plusieurs heures avec un fendeur. Mon père avait 8 cordes et demie de bois à fendre. C'est le bois que mes parents utilisent à leur maison pour chauffer l'hiver. Chaque année, mon père en coupe et on le fend pour le faire sécher, et l'année d'ensuite, il est prêt pour être utilisé. Donc, je prenais les bûches, les mettais sur le fendeur, qui est un genre de machine avec un bout de hache et qui est hydraulique. Tu passes sur une manette et le bout de hache entre dans la bûche et la fend en 2 secondes. Pas besoin de forcer ou rien, tu fais juste surveiller tes mains pour pas les pogner dans la machine, et c'est pas plus compliqué que ça. Donc, pendant plusieurs heures, j'ai fait ça, et durant ce temps, mon père est allé couper des arbres derrière le chalet qui gênait la vue. On débroussaille toujours autour du chalet. Comme on a 30 hectares de forêt, il y a des endroits où on coupe pour se refaire de la place pour semer d'autres choses, comme des arbres fruitiers. Donc, quand j'ai eu fini de couper le bois, j'ai été ramasser ce que mon père avait coupé. J'ai fait un gros tas avec ça et on a mis le feu dedans pour s'en débarrasser. C'est des petits arbres ou autres types de bois qu'on ramasse pas, mais qui brûlent très bien. Mais j'avais pas pensé quand j'ai fait mon tas, je l'ai fait un peu trop près d'un groupe d'épinettes proche du chalet. Donc, quand notre feu s'est mis à monter en hauteur, on a commencé à avoir un peu peur. Notre feu de Saint-Jean, avec ses flammes à 10 pieds de haut, était proche des branches des épinettes. Et si l'épinette prenait en feu, comme elle était collée avec un groupe de 5 ou 6 autres proche du chalet, on s'est dit que ça allait mal tourner. Donc, mon père s'est dépêché et est allé remplir 2 chaudières d'eau. Pendant ce temps, moi, je me suis pris un long bâton et j'ai commencé à pousser le feu. Je l'ai déplacé. En poussant tous les bois, j'ai réussi à le déplacer 2-3 pieds plus loin, où il n'y avait plus de chance de mettre le feu à forêt. Finalement, on n'a pas eu besoin de l'eau, on a surveillé le feu pendant qu'il brûlait à son plus fort et tout a bien été. Ensuite, on le laissait aller et on revenait de temps en temps pour repousser les bois vers le centre du feu. Ainsi, après 3-4 heures, il ne restait plus rien. Tout le branchage avait été brûlé et il ne restait que le rond de centre dans lequel des bleuets devraient pousser dans les prochaines années. Voilà pour le feu. Sinon, pour le reste des vacances au chalet, ce fut plutôt tranquille. Comme on travaillait fort, je me couchais tôt pour être en forme le lendemain. Donc, c'est la fin du voyage au Saguenay où, en revenant, je me suis dit que notre Québec est beau. En automne, il prend de belles couleurs, il est beau avec ses champs de maïs colorés, ses pancartes électorales et toutes ses réparations. Demande spéciale de Martin. Avant d'écouter une demande spéciale de mon ami Martin, je tenais à parler d'un message important qu'il m'a envoyé le 12 octobre. Chaque année, moi et Martin avons un petit concours amical de celui qui se baignera le plus tard dans sa piscine. Et il y a 3 jours, Martin m'a envoyé ce message dans Facebook suite à une de mes publications où je lui montrais que je venais de me baigner dans ma piscine qui était aux alentours de Saint-Gatien et où je venais en plus d'y échapper mon vieux iPhone qui a ainsi rendu l'âme. Donc Martin me disait « Même si la piscine n'est pas encore fermée, je vais te laisser gagner cette année. » Voilà, c'est toujours important de mentionner et de célébrer une belle victoire. Yeah! Yeah, baby! Yeah. Bonjour, nous sommes toujours en direct dans ce Lobster 51.0 qui est live au moment où je l'enregistre. C'est déjà ma dernière intervention, mais avant de vous quitter, je voulais vous parler d'un vieil article que j'ai lu dans la revue National Geographic de juin 2011. Donc, les chiffres que je vais vous mentionner datent un peu, mais je trouvais ça intéressant quand même. C'est un tout petit article qui met en proportion le nombre de gens qui habitent sur Terre versus le nombre qui auraient vécu sur Terre depuis le début. Je vous le lis. Plus on est de fous. Nous serons bientôt 7 milliards de terriens. Si vous avez du mal à imaginer ce que cela représente, essayez un peu de visualiser combien de gens ont vécu sur la planète depuis sa création. C'est ce que le démographe américain Carl Hobbes a voulu déterminer après avoir entendu quelqu'un dire en 1975 que 75% des gens ayant vu le jour étaient vivants. Sceptique, il a entrepris de réfuter cette théorie en tenant compte de deux données principales, l'aube supposée de l'humanité et la population moyenne à différentes périodes. En utilisant 50 000 avant Jésus-Christ comme point de départ, Carl Hobbes a appliqué des taux bruts de natalité, qui sont le nombre de naissances par an pour 1000 habitants, à chaque groupe de population avant de faire le total. Son estimation à lui est de 103 milliards de gens avaient vécu sur Terre en 1975, mais seulement 4% d'entre eux étaient en vie à l'époque. Donc la personne qui disait que 75% des gens étaient toujours vivants était un peu perdue. Et si on extrapole ces chiffres à 2011, ces chiffres sont de 108 milliards, donc 6,4% de la population qui est vivante, donc 7 milliards. Voilà, c'était un petit article que je trouvais intéressant. Et toujours dans le même style de petit article léger, dans la même page que je viens de vous lire, il y a la liste des 10 mots de passe les plus prévisibles. On les lit pour le fun. Le premier, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6. Le deuxième, c'est le mot « password ». Le troisième, c'est les chiffres de 1 à 8. Le quatrième, c'est les chiffres de 1 à 4. Le cinquième, lui, est masqué et la revue a mis un petit chose en commentaire. Elle dit « De nombreux mots de passe populaires sont grossiers et sont donc non publiables dans ce magazine. » Donc, le cinquième, c'est sûrement un mot qu'on ne peut pas mentionner. Et le sixième, c'est les chiffres de 1 à 5. Le septième, « dragon ». Le huitième, « QWERTY ». Le neuvième, 69, 69, 69. Et le dixième, Mustang. Sur ce, je vous souhaite une belle semaine. On se reparle la semaine prochaine. Ce Lobster a été publié un petit peu en retard parce que j'ai été malade ce lundi, la journée où je devais terminer l'enregistrement. Comme c'est le temps des huîtres en ce moment, je m'étais acheté une douzaine d'huîtres et j'ai été malade pas mal lundi. Et je me suis rendu compte que l'année passée, j'avais fait la même chose. Après avoir mangé une douzaine d'huîtres, j'étais tombé malade toute la journée. Mon corps se met à trembler, j'ai chaud, j'ai froid. Donc, je viens d'allumer que je suis probablement intolérant aux huîtres. Quand j'en mange une petite quantité, j'ai jamais de problème, mais quand j'en mange une douzaine, je suis malade. Donc, voilà pourquoi ce Lobster a été publié un petit peu en retard. Et donc, si vous avez des demandes spéciales, vous pouvez passer par la page Facebook du Lobster. Sur ce, bonne semaine. Aujourd'hui, je vais vous parler de quelque chose qui est un petit peu touché. Ça peut être mal interprété, ça dépend de quel bord tu t'élevis. C'est quelque chose qui est drôle à dire. T'entends ça, tu penses au pire, mais c'est pas si pire que ça. La preuve, c'est que j'en parle, fait que ça doit pas être si pire que ça. Puis de toute façon, t'as égal, le disque. Mais c'est donc belle une fille, et que c'est donc belle. À côté d'elle, un gars, ça a l'air d'être fait pour tenir une pelle. Et louis dodo. Et que c'est donc belle, fille. Et que c'est donc belle. Pout, pout, gna, gna, gna. Pourquoi faut-il que je me trouve des talents d'épais quand je me trouve près d'elle? Ça a commencé à l'école, dans ma classe, y'avait une petite bolle. Son prénom, c'était Carole, et je l'avais remarqué en étole. J'en étais fou. Jusqu'au jour où à récréation, on mangeait notre collation. Elle a toussé un petit brin, elle a vomi toutes ses raisins. Oh là, je l'aimais moins. Mais c'est donc belle, une fille. Et que c'est donc belle. Chlé, bébé, bébé, chlé. Quand elle te regarde dans les yeux, tu viens toute mêle. Et que c'est donc belle, une fille. Et que c'est donc belle. Faut-il que mon quotient baisse à 12 quand je me trouve près d'elle? Un jour au bal des finissants, j'étais déguisé en achigan, assis juste à côté d'une fille que je regardais depuis un an. J'étais bien parti. J'ai décidé de le lui dire et ça a sorti à peu près comme suit. Fait qu'elle est partie. Mais c'est donc belle une fille. X est donc belle. Allô, ah, ah. C'est pour elle que furent inventés les dentiers. Dentelle. C'est donc belle une fille. X est donc belle. Pourquoi faut-il que j'aille splider entre les dents quand je me trouve près d'elle? Une fois j'étais à l'épicerie, puis la caissière m'avait séduit. Mais j'achetais rien que trois pétacles, puis je les ai mis sur un terrac. C'était loin d'être dans le sac. Une fois y'a une fille qui est venue chez nous, je l'avais toujours trouvée de mon goût. Mais quand elle m'a arraché mon linge, il me semble qu'elle avait l'air d'un singe. C'est-tu moi qui est pas correct? Mais c'est donc belle une fille. C'est donc belle. Près d'un feu en pyjama dans le temps de Noël. C'est donc belle une fille. Et c'est donc belle. Yes, yes, yo, yo, yes, yes. Pourquoi faut-il que la chaîne attire plus la première fois que je vais chez elle? C'est donc belle une fille. C'est donc belle une fille. C'est donc belle une fille. C'est donc belle une fille. C'est donc belle une fille. C'est donc belle. Vous vous rendez compte? Que le temps que la lumière met à atteindre notre œil, on voit que des choses passer. Hein? Bah ouais, si ça se trouve, je regarde l'image de ce feu alors qu'il est déjà éteint. Ouais, faut remarquer, c'est comme moi, hein. Parce que là, j'ai l'air d'en avoir plein le cul, mais ça se trouve, je suis déjà parti me coucher. Bon, alors je vous préviens, je suis pas contente. Quand vous apparaissez, vous pouvez m'envoyer un petit signe avant, comme ça je me dis, tiens, elle arrive. Les dieux ont décidé de prendre des mesures. Des mesures par rapport à quoi? Par rapport à vos résultats déplorables, rien n'avance. Rien n'avance. Vous avez vu les coups de main que vous me donnez aussi? Une fois sur deux, vous m'envoyez dans le mur. Ça va, hein, personne n'a dit que vous étiez seul responsable. Vous leur avez dit, oh Dieu, le temps que je perdais à vous ramener des objets magiques tous plus débiles les uns que les autres et dont tout le monde se fout? J'ai pas voulu me mettre dans une trop mauvaise position non plus. Vous manquez pas de souffle. Oui, quoi qu'il en soit, je vous ouvre une porte du chaos. Une quoi? C'est une porte dimensionnelle qui permettra aux pires créatures de l'univers de venir semer le chaos à Kaamelott. Désolée, mais j'ai des ordres. Bon courage. Merde. C'est affreux. Sire, quittons le pays, je vous en conjure. Les démons n'ont maintenant qu'un pas à franchir pour arriver ici. Les démons? C'est une porte dimensionnelle qui ouvre sur le plan démonique? Non, juste sur l'univers, je crois. Mais j'ai dit démons comme j'aurais pu dire autre chose. Ouais, mais c'est pas pareil. Les démons, on peut les combattre qu'avec la magie. Vous voulez dire qu'avec Merlin? Nous allons tous mourir! Partons d'ici sur le champ! Non. Moi, elle m'a dit les pires créatures de l'univers. Alors c'est juste une porte qui donne sur un autre endroit de notre plan. Il faut s'attendre à la visite de formes extraterrestres. Ça va. Excusez-moi d'avoir paniqué. Finalement, c'est pas des démons. C'est juste les pires bestioles de tout l'univers. Mettons deux gardes là-devant et allons boire un coup. Mais vous allez la fermer, oui, Bohort. On essaie de réfléchir. Mais arrêtez de réfléchir et allez faire vos valises avant qu'un Gugus ne débaroule de je ne sais quelle galaxie pour nous désintégrer. Ça se précise. Oui, il y en a un qui tente sa chance. Mon Dieu, les démons sont en route. Non, c'est pas des démons. Ah, merde! Laissez-moi profiter de mes derniers instants. Quoi? Mais qu'est-ce que vous faites là, trou du cul? Mais vous vous connaissez? Elle est pas mal, celle-là. Il parle notre langue! Qu'est-ce que c'est que ce bordel? D'où est-ce que vous venez? C'est ça! Demandez-lui le nom de sa planète, on gagne du temps! Vous aviez pas vu ce machin au milieu de la cour? Un grand truc tout noir, tout bizarre? Un peu dans ce genre-là? Pareil, mais dans la cour. Ses intentions sont-elles pacifiques? Vous voulez dire que cette porte mène... Dehors, en bas des escaliers, près du poulailler. Mais elle s'est gourée, cette conne de Dame du Lac. Cette voix m'est familière. J'étouffe! À moi! Je suis touché par une arme d'une civilisation supérieure! Seigneur Perceval? Mais où est la créature? Attention, regarde! En fait, quand vous avez franchi la porte de la cour tout à l'heure, vous saviez pas ce qui vous attendait derrière. Ça aurait pu être du courage. C'est dommage que dans votre cas, ce soit de l'inconscience. J'ai vu des étoiles. Alors comme moi, mon rêve, c'est de voyager dans l'espace. Ah bon? Ouais. Vous savez qu'en fait, la Terre, elle est ronde? Non, mais sans déconner, sire. Ouais, c'est bon. Et que si quelqu'un pouvait voyager à la vitesse de la lumière, dans le sens inverse de sa rotation, il pourrait remonter le temps. Salut gang, Kevin Power Goyette, entraîneur CrossFit, ex-toxicoman sub depuis 4 ans, dans ma gratitude 24/7. Ma puissance supérieure m'a inspiré à abandonner l'alcool puis les drogues. À Star, c'est moi qui inspire les jeunes avec le CrossFit. Aujourd'hui à CrossFit et sobriété, je parle du métier de trainer CrossFit au féminin avec la belle Océane. Océane, c'est quoi ton secret pour être en shape? Ben, je suis super bonne pour vomir. Moi, mon secret, c'est ma puissance supérieure. Je me réveille plus après 3 jours sur le parking pour me rendre compte que la fille pas de taille et habillée en blanc que je viens de marier, c'est juste mon chauffe-eau. Océane, c'est quoi la différence entre un trainer CrossFit au féminin puis un vrai trainer CrossFit? Souvent, quand je fais des poids, ma couette est d'injambe. Il y a bien des filles qui give le CrossFit up parce que leur couette est d'injambe. Elle me dit, Océane, j'ai give up mon training parce que ma couette est d'injambe. Never give up, never surrender! J'ai avec moi Laetitia. Allô, Laetitia. Allô, Océane. Quand que je fais mon training, je sais pas de quel bord crisser ma couette. Quand ton dumbbell est à gauche, ta couette va à droite. Puis quand ton poids est à droite, ta couette reste à droite? Elle va à gauche. Il y a un truc pour t'en rappeler. Souviens-toi juste de la phrase. Quand ton poids est à gauche, ta couette va à droite. Quand ton poids est à droite, ta couette va à gauche. Ah, c'est un bon truc. OK, super important, la motivation. Moi, si j'avais eu de la motivation dans la vie, j'aurais pas conduit les facultés affaiblies. T'as bien du temps pour réévaluer ta vie quand tu t'enfuis de la police super lentement aux commandes d'une montgolfière volée. À cause de mon insouciance, j'ai froissé un cerf-volant puis j'ai fait peur à un canard. Pour faire la motivation, faut que tu dises des mots en anglais à ton client. Yes! To the top! Never give up! Go, go, go! To the extreme! Pepper down the trail! C'est juste encourageant si c'est en anglais. Si j'avais été encouragé en anglais, je serais pas retourné 2 fois chez Ikea avec un sofa pour cause d'avoir mangé les coussins. Because les munchies. En conclusion, la raison numéro 1 pour faire du CrossFit Océane, c'est... Pour avoir une belle shape dans le sud, on n'a pas dit la même affaire. Bloopers! Je viens de texter mon ex par erreur. Oh non, il va penser que t'es encore intéressé. C'était quoi le texto? Allô? C'est la pire affaire, c'est bien trop ambigu. Il vient de me texter allô. On n'y est pas avec ça, faut pas qu'il se fasse d'idée. Le texte dit erreur. Il dit oui, j'ai fait une erreur de te laisser. OK, j'avoue que ta réponse était un peu ambiguë. Le texte dit mauvaise personne. Il dit je sais, je l'aime plus, c'est toi la bonne. Mais voyons, le texte dit quelque chose qui est impossible de mal interpréter. Le texte dit je me suis trompée. OK, il a texté « Moi aussi, je veux te voir ». Ouais, c'est vrai que ça pouvait être mal interprété. Ce texte dit « C'est un malentendu ». Il m'a répondu « Oui, j'aurais pas dû te laisser ». Non, c'est comme s'il faisait exprès pour pas comprendre. Pourtant, c'est clair, là. Texte dit « C'était pour quelqu'un d'autre ». Il dit « Oui, mais je l'ai jamais aimé comme toi ». Coudon, il dormait à râler. OK, texte dit quelque chose qui est impossible de mal comprendre. Texte dit « Tu veux pas comprendre ». Il dit « Je comprends tout maintenant, je t'aime ». Ben voyons, texte dit « C'est un problème de contact », c'est clair ça? Il dit « Moi aussi, besoin de te toucher ». Voyons, qu'est-ce que je vais faire? Va falloir que tu couches avec. Tu sais, faut faire attention avec les textos. Hein. Un arc-en-ciel, des bisous et des cascades calmes. Une caresse dans mon cou, je veux me dilater comme de l'amour. Ça fait boum boum bao, j'ai des la la la la boum boum. Sans peur du lendemain, ça fait boum boum bao, j'ai des la la la la boum. Thank you.

Barbe à papa est rose, rose, plus rose qu'une rose rose. Barbe à maman est plus noire qu'une rose noire. Barbidure est jaune, jaune. Barbe à lala verte comme une pomme. Barbotine, cet ange a la couleur des oranges. Barbouille est noir comme un corbeau, et chaque fois qu'il prend ses pinceaux, il se couvre de taches de bas en haut. Barbe belle et violette, Barbidou est tout bleu. Barbidure est un athlète aussi rouge que le feu. Et tout ce petit monde est heureux. Transforme en volonté pour nous carrer. Mince gros ou rond. Viens avec nous chez Barba Papa. Il y a Barba Papa, Barba Mama, Barbidou, Barbouille, Barba Belle et Barbidure, Barbotine et Barbibule et Barba Lala. Viens avec nous chez